Deuxième partie, des mémoires d'un homme de qualité. Retirés à Chaillot, les deux amants vivent heureux. Le chevalier tire quelques ressources du jeu. Manon se promène au bois de Boulogne avec des amis. Mais un jour, le domestique de Desgrieux avertit son maître qu'un prince italien cherche l'occasion de rencontrer Manon au bois de Boulogne. Le chevalier est de nouveau torturé par la jalousie. Deux jours se passèrent, sans aucun autre incident. Le troisième fut plus orageux. J'appris, en arrivant de la ville assez tard, que Manon, pendant sa promenade, s'était écarté un moment de ses compagnes, et que l'étranger, qui la suivait à peu de distance, s'étant approché d'elle au signe qu'elle lui en avait fait, elle lui avait remis une lettre, qu'il avait reçue avec des transports de joie. Il n'avait eu le temps de les exprimer qu'en baisant amoureusement les caractères, parce qu'elle s'était aussitôt dérobée. Mais elle avait paru d'une gaieté extraordinaire pendant le reste du jour, et, depuis qu'elle était rentrée au logis, cette humeur ne l'avait pas abandonnée. Je frémis sans doute à chaque mot. « Es-tu bien sûr, » dis-je tristement à mon valet, « que tes yeux ne t'aient pas trompé ?» Il prit le ciel à témoin de sa bonne foi. Je ne sais à quoi les tourments de mon cœur m'auraient porté si Manon, qui m'avait entendu rentrer, ne fût venue au-devant de moi avec un air d'impatience et des plaintes de ma lenteur. Il ne me fut pas difficile de rejeter la tristesse dont je ne pus me défendre pendant notre souper sur une perte que je me plaignais d'avoir faite au jeu. Cet arrangement me fit passer une nuit plus tranquille, mais il ne m'ôtait pas la douleur d'avoir à trembler pour une nouvelle infidélité. À mon réveil, Manon me déclara que, pour passer le jour dans notre appartement, elle ne prétendait pas que j'annusse l'air plus négligé, et qu'elle voulait que mes cheveux fussent accommodés de ses propres mains. Ce badinage nous occupa jusqu'à l'heure du dîner. Le goût qu'elle y avait pris m'avait paru si naturel, et sa gaieté sentait si peu l'artifice que, ne pouvant concilier des apparences si constantes avec le projet d'une noire trahison, je fus tenté plusieurs fois de lui ouvrir mon cœur et de me décharger d'un fardeau qui commençait à me peser. Mais je me flattais à chaque instant que l'ouverture viendrait d'elle, et je m'en faisais d'avance un délicieux triomphe. Nous rentrâmes dans son cabinet. Elle se mit à rajuster mes cheveux, et ma complaisance me faisait céder à toutes ses volontés. Lorsqu'on vint l'avertir que le prince de demandait à la voir, ce nom m'échauffa jusqu'au transport. « Quoi donc ? » m'écriai-je en la repoussant. « Qui ? Quel prince ?» Elle ne répondit point à mes questions. « Faites-le monter, » dit-elle froidement au valet. Et se tournant vers moi, « Cher amant, toi que j'adore, » reprit-elle un ton enchanteur, « je te demande un moment de complaisance, un moment, un seul moment. Je t'en aimerai mille fois plus. Je t'en serai gré toute ma vie. »